Le soir de ce 29 mai, la nouvelle apportée par le berger Frick rassemble ses 5 personnes, auxquelles se joignent une douzaine d'autres villageois, chez le juif Jonas, qui tient le roi Mathias, l'unique auberge du village. Il était 8h30 du soir. Ces braves gens se trouvaient d'accord en ce point, c'est que si le château des Carpates était habité par des inconnus, il devenait aussi dangereux pour le village de Werth qu'une poudrière à l'entrée d'une ville. De l'avis de tous, c'était à n'en pas douter, des êtres surnaturels, non des êtres humains, qui avaient choisi le château des Carpates pour théâtre de leur manigance. Comme le docteur Patak se fait fort de ne pas croire au surnaturel, il est commis d'office pour aller éclaircir le mystère du château. Et comme il essaie d'échapper à cette mission, le forestier Nick s'engage à l'accompagner. « Et quand partirons-nous, forestier ?» demanda le docteur Patak en affectant un ton d'indifférence qui ne déguisait que mal sa poltronnerie. « Demain, dans la matinée, » répondit Nick Deck. Ces derniers mots furent suivis d'un assez long silence. Soudain, une voix se fit entendre assez distinctement au milieu du silence général, et voici les paroles qui furent lentement prononcées. « Nicolas Deck, ne va pas demain au bourg. N'y va pas, ou il t'arrivera malheur. » Qui s'était exprimé de la sorte? D'où venait cette voix que personne ne connaissait et qui semblait sortir d'une bouche invisible? Ce ne pouvait être qu'une voix de revenant, une voix surnaturelle, une voix de l'autre monde. L'épouvante fut au comble. Cette nuit-là, comme s'ils eussent été menacés d'une apparition fantastique, les habitants de Werth se barricadèrent solidement dans leur maison. La terreur régnait au village.